18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Convergence. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Salut, salut. Est-ce que vous avez reconnu sa voix ? Je ne pense pas. Ok. Bon, on va vous donner un peu plus de détails. Donc, c'est une jeune association. Ils sont composés de deux artistes et on va vous en dire plus. Sans plus attendre, aujourd'hui, vous avez vu la promo, hein, on reçoit Destination. Plaisir partagé d'être bienvenue, sur les ondes. Mon cher Saint-Louis. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà. Parfait. Et bien aujourd'hui, donc, on va te passer à la moulinette, voir un peu ce que vous proposez. Allez. Avec du coup ton collectif. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler plus ? Qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous êtes créé ? Nous, Destination, ça vient d'une initiative que j'ai eue sur le banc du lycée avec un pote. D'accord. On a commencé à réfléchir au fur et à mesure, au fur et à mesure des dates, on a commencé à lancer un B2B qui s'est transformé en collectif sur Lyon. D'accord. Il y a environ 3-4 mois, on a commencé à lancer vraiment le projet, mais le projet en lui-même, à la base, a bien 4-5 ans en fait. Donc voilà, grosso merdo, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Ok, et pourquoi cette envie justement de se professionnaliser un peu plus, de passer vraiment, voilà, c'est une passion, comment c'est né Ouais, surtout, on a commencé là-dessus avec le B2B, moi c'était surtout l'autodérision, en fait, à la base je voulais juste imiter mon pote qui faisait des passages en me foutant un peu de sa gueule concrètement, voilà. Et puis fil en aiguille, il a dit que c'était pas trop mal, et puis on a commencé le B2B, et là-dessus, attends, c'était quoi la question de base? du coup, comment c'est né, toute l'aventure, comment tu as débuté? Ça a commencé sur Lyon, en arrivant avec le label. Est-ce que tu es de Lyon à la base ? Alors non, moi je suis pas de Lyon. Nous on vient de Nice à la base. Intéressant. Justement, voilà, si on voulait développer une initiative, c'est parce que sur la région niçoise, il y a très peu de musique underground, un peu tout ça. Bien même sûr. La house music, ça vient très vite mainstream. D'accord. Avec pas beaucoup d'électro qui passe dans des radios style Energy, un truc un peu. Bon, voilà, c'est pas trop notre cam. Ouais. Et donc du coup, on voulait développer cette initiative là. Voilà, donc du coup ça s'est fait un peu grosso merdo comme ça et on a eu l'objectif de pouvoir développer ça aux Pays-Bas, ça s'est pas fait malheureusement, on a eu l'occasion d'aller jouer quelques fois là-bas et voilà, là on poursuit la route sur Lyon parce qu'on pense que Lyon c'est une bonne ville pour nous pour se lancer dans ce milieu-là justement underground. Quoi. Et vous aviez essayé aussi du côté de Nice ? Là on a quelques projets en préparation, on en reviendra un peu plus tard et voilà, on a vraiment l'objectif en tout cas de revenir dans notre région de cœur et notre région de bassin en tout cas. Très bien ça. Et du coup chez Destination, donc vous êtes deux, vous avez parlé de ton binôme. Toi, alors, quelle est ta fonction, ton rôle? Alors en tout dans l'association on est 7 par contre, 6-7. Oui, c'est vrai qu'on voit toujours les deux mêmes représentants. Ouais, voilà, et les l'image. Deuxième représentant et deuxième artiste en tout cas qui joue sous le nom Destination, donc Pixid. Avec Oskla aussi sous son profil techno. D'accord. Donc du coup après donc t'as un petit peu de gens qui vont faire de la com, de la logistique, de la gestion de contrat. Ouais, vous êtes bien structuré de ce côté-là. Ouais, voilà, là-dessus on a essayé de bien cadrer les choses dès le début pour éviter de se faire tirer dans les pattes après si y avait des complications. Donc non, là-dessus on a toujours été très très carré, on essaye, enfin carré. Ouais, de venir vraiment avec les bons outils. Voilà. Au moins arriver avec les bonnes bases. Vous avez les armes, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Très bien ça. Du coup, quelles sont vos envies chez Destination ? Qu'est-ce que vous proposez ? Tu parlais de techno, vous avez de la house aussi, je sais que tu as une grosse base là-dessus. Nous, voilà, on part sur Destination, on essaie de pas se fermer à un style, mais c'est vrai qu'on a une grosse base house parce que pour moi, la palette house, elle est suffisamment large pour pouvoir plaire à un large public. Tu peux avoir des influences funky si quelqu'un a un peu plus du mal à écouter de la musique électronique, comme tu peux avoir des choses un peu plus pointues plus comme accessible, de la micro, minimale, voire acide aussi, on aime beaucoup. Mais voilà, le but, voilà, c'est toujours d'essayer d'amener quelque chose et de faire découvrir aux gens, en fait, surtout ça. Moi, le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est si quelqu'un arrive et me vient et qui me dise d'habitude, j'aime pas la house, mais là, ce soir, j'ai bien aimé. Pour moi, ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un artiste. Voilà. Ouais, t'as pu lui transmettre vraiment ce qui te fait vivre, ce qui te passionne. Découvrir des choses, partager un moment, parce qu'après tout, la musique c'est surtout une passion Mais voilà, c'est le partage avant tout, je pense. Ok. Donc du coup, tu nous parlais de l'autre équipe. Vous êtes tous sur Lyon, répartis Alors, on était tous basés sur Lyon à la base. On s'est tous rencontrés sur Lyon, là, tous les membres actifs du collectif. Mais là, après, vis-à-vis des études, etc., il y en a qui sont en études, qui ont du taf aussi à côté. Donc du coup, il y a certains qui sont en Belgique, d'autres qui sont à Paris. Okay. Donc du coup, voilà, il y a un petit travail de communication à devoir gérer, mais voilà, ça se fait. On est 4-5 membres actifs là sur Lyon encore pour l'été, donc ça suffit pour faire tourner l'asso en tout cas. Ok. Et Pierre, du coup, donc ton, est-ce qu'on peut appeler comme si c'était ton bras droit Comment ça se passe, les deux Vous êtes vraiment les deux majeurs sur le Destination. Comment vous positionnez là-dessus? Bah alors, il n'y a pas de majeur ou de mineur. Pierrot, nous, il est rentré dans le collectif il y a 3-4 mois, donc c'est le petit protégé. C'est la petite étoile montante qu'on garde. Et donc voilà, non, après c'est chacun apporte ce qu'il a apporté, sa manière de voir les choses. Oui, il n'y a pas d'attente particulière, voilà. C'est qu'est-ce que tu peux nous offrir. Exactement, voilà, moi je préfère quelqu'un qui a un bon état d'esprit un peu critique, voire qui pense un peu de manière aléatoire. Et avec des gens aussi qui savent structurer, mais toujours avec cet esprit de communion et de partage, voilà. D'accord, parfait. Au niveau des événements, qu'est-ce que vous nous préparez? Bah alors, en événement ski à suivre là pour les prochaines semaines pour la nuit sonore, ça va être Vertu Sonore avec Bloomy à Biniche Loupica de 17h à 19h. C'est quand ça? C'est mercredi des nuits sauts, du coup c'est le 29, 29 il me semble. Ouais, le 29, le exactement. 30, le 30, on est au Beast to Fly, on fait notre soirée au Beast to Fly avec qui on est souvent partenaire. Ouais. On invite Son of House et Elevate, donc du coup de 17h à minuit. D'accord. Et le 31, on est avec Yoz derrière le micro qui ne parle pas beaucoup. Voilà, ouais, exactement, médiateur électronique. On t'a pas entendu, Yoz, hein. Il fallait monter ton micro par contre. Ah oui, j'ai oublié de monter le volume. Ah, c'est mieux. Ouais, il se cache, il est timide. Yes, c'est clair. Mais ouais, voilà, donc du coup, le 31 au Fargo, donc du coup, on ne vous en dit pas plus. Il y a une jolie. Jolie surprise d'aller voir là. À venir découvrir. Exactement, voilà. J'ai vu que vous vous positionnez aussi sur des open air, on en a vu un récemment. Ouais. Est-ce que vous avez projet de continuer à vous positionner sur ce type d'événement en plein air, aller au contact, aller chercher en fait les gens qui viennent pas dans les clubs? Bah, c'est vrai que le format open air pour nous, il est assez sympa. Ouais. C'est une manière de toucher un large public quand on est un petit collectif et qu'on n'a pas forcément les capacités de pouvoir répondre financièrement pour louer un club ou etc. sans prendre trop de risques financiers, parce que c'est une passion. Le but, c'est pas non plus qu'on se mette dans le rouge. Non, on est tous étudiants, donc bon, on a pas non plus des fonds énormes. Oui. Et donc ouais, non, le format open air, c'est quelque chose qui est assez communicatif, je trouve. C'est sympa, c'est bonne ambiance, ça peut convenir avec un format familial aussi. Oui. Donc c'est vrai que l'open air, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup développer l'année prochaine. D'accord. Mais bon, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir pas mal d'expérience, je pense, pas mal de recul par rapport à ça pour savoir gérer avec les aléas de la météo, mais aussi les aléas avec l'aspect législatif. Ouais. Avec tout ce qui est demande d'autorisation publique, etc., qui peuvent être assez lourds aussi à faire. Donc bon, voilà. Ouais, et puis on retrouve un peu l'esprit justement que vous avez chez Destination, à prendre le temps pour que les autres s'approprient en fait votre musique. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de faire tomber les barrières un peu. S'il y a quelqu'un qui vient nous parler à la fin, on va pas être à la dire « Bon, écoute, grand, c'est pas que tu me casses les cacahuètes », mais non, voilà. C'est surtout d'aller partager un moment avec les gens et puis de répondre aux questions, surtout aux plus motivés, quoi. Oui. Donc du coup, ça fait deux fois plus plaisir. D'accord. Au niveau de l'univers qui circule chez Destination, comment vous êtes venu? Est-ce que vous êtes entre la house et la techno? Est-ce que vous êtes plus un axe un autre? Alors moi, c'est vrai que je suis très house maniaque un peu quand même. Oui. Et comment dire, après on est parti surtout du fait, Destination, ça veut dire quoi? Dusty, c'est pour le rapport un peu à la poussière, à l'ancien, parce qu'on a beaucoup d'influence des années 90. Et du coup, derrière, après Nation, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le partage, l'envie de partager cette passion de la musique au plus grand nombre, quoi. Après, si on arrive à mettre notre petite touch qui plaît et qui peut nous faire sortir du lot, nous, ça nous fera tout autant plaisir. Yes, Voilà. Parfait ça. Donc pour vous trouver, est-ce que vous êtes toujours en recrutement de personnes? Est-ce que bah ouais, bah tiens, c'est parfait. Bonne initiative. Est-ce que voilà, ouais. S'il y en a qui sont intéressés pour vous. Et bah voilà, écoute, s'il y a des gens qui écoutent ça, c'est vrai qu'on est à la recherche de graphistes, de vidéastes, okay. Tout ce qui est vidéo. Aussi, pourquoi pas, un petit peu de promotion, etc. Ouais, parce que la vidéo, vous la faites pour le moment, j'ai vu sur votre header, vous avez quand même les vidéos qui circulent. Ouais, c'est voilà. Bien monté, quoi, mais... Après, le problème, c'est que voilà, on fait toujours passer par des potes qui sont toujours très sympas de nous filer un coup de main, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelqu'un attaché à ça au milieu de l'association pour avoir un peu notre grain, un peu notre charte graphique et pouvoir justement lancer vraiment l'activité de collectif en tant que tel, quoi. D'accord. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez, on a, cher auditeur, on a terminé pour cette petite interview. On va continuer sur un petit mix. Hein. Tu vas nous, qu'est-ce que tu nous as préparé Bah écoute, toujours dans les influences 90, moi plutôt Chicago, très, très shiny, très sulfureux, voilà, dans T'étais le partage. T'étais dans le panier quand c'est sorti. Bah ouais, j'étais dans le panier de mon père, hein. Écoute. Ouais. Ouais, non, c'était pas encore sorti, je pense. Donc, bah oui, voilà. C'est clair. Ouais, non, mais c'est pas parce que c'est pas sorti avant, voilà. Non, mais c'est clair, de toute façon, on s'intéresse toujours à l'origine de ouais, voilà. Style. Plus tu remontes, plus tu trouves des trucs sympas, je trouve. Exactement. Voilà. Donc, on est parti, on va lancer le live et puis on va te retrouver derrière les platines. Donc, monsieur Saint-Louis, derrière les platines. Eh bien, écoutez, avec Donc, grand plaisir. On sur Croc Radio, C-Rock Radio. I am for real. I gotta let you know that I am for real. We'll be right back. We'll be right back.

Culture et musique électro-underground. Yes, yes, yes. J'ai pas mon micro, moi, par contre. Je m'entends pas. Est-ce que je peux avoir mon micro? Ah, c'est bon, ça. Yes, et ben écoutez, on s'est écouté un super set de Louis qui est juste à côté. Et ben merci. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti derrière? Et ben écoute, toujours très bien ici, hein, écoute. Hein. Quelques petites fautes, mais bon, voilà, sinon... on serait pas là, ouais. Mais voilà, non. Le sinon, live, l'authenticité. Ouais, non, voilà, bah, je pense qu'on a essayé de respecter ce que je vous ai dit avant, ouais. Communication, partage, voilà, de l'envie et du shiny. En voilà. Plus, c'est bien, ça a bien réagi sur le live, on dit tiens, ça s'est dandiné derrière. Bon, bah écoute, si ça s'est dandiné, pour moi c'est le principal. On a vu plein de cœurs, on a vu que ça avait plu. Et bah écoute, bah si je sais pas comment dire, ouais, ouais non, je ne sais pas, je n'aime pas trop les compliments. C'est gentil. Est-ce que tu as un petit dernier mot là avant qu'on passe à l'agenda? En tout cas, bah merci à Convergence. Bah, c'était un plaisir Radio, de te recevoir, de nous avoir invités, et puis au plaisir de vous revoir, les gars. Ouais, et puis voilà. on a pu en apprendre davantage sur votre activité, sur ce que vous pouvez proposer. Donc allez visiter la page Facebook. Vous avez un site internet aussi ou pas? Non, pas vraiment. On est sur les réseaux sociaux. Juste sur les réseaux. On n'a pas grand-chose. Donc Instagram, SoundCloud, Facebook et Instagram, voilà. Ok, bah ça suffit en fait. Hein. Ouais, bah voilà, c'est okay, déjà parfait. Déjà conséquent. Et bien, on souhaite un très bon retour sur Lyon. Et bah merci. Et merci d'être venu dans notre studio pour l'émission aujourd'hui. Comment vous voulez, comme vous voulez. Parfait. On va terminer sur l'agenda des soirées à faire autour de la région. Hein, donc on va commencer, alors comme vous voyez, hein, le temps aujourd'hui, on est bien gâté. Donc l'open air super rayonnante qui devait avoir lieu aujourd'hui au parc sauvage de Villeurbanne. Il a été déplacé, donc vous avez dû le voir aussi sur le header hein, du Facebook. Donc c'était programmé Nick V et il a été remplacé par Hugo Alix. Donc bon, on y gagne quand même bien au change. Hein. Les deux sont très bien aussi. Hein. C'est quand même sympa, Hugo. Hein. Ouais, exactement. Bah ouais, on avait joué au Bistou hein, cette semaine. Ouais. J'ai joué une deux tracks, le double album. Le double P. Hein. Ouais, le double P, très sympa. Et bah, il y aura toujours LB pardon, à Calabat. Et c'est organisé donc, par CCO et la team Encore hein, qui est bien présent sur Lyon. Donc le 8 juin. Ensuite, vous avez du côté de Grenoble la Mamise et le Camion Bazar qui seront à la Belle Électrique. Donc, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, ça va être un sacré foutoir. N'hésitez pas de prendre vos places. Je vois Louis qui rit. Ah bah ouais, connaissant les bonhommes. Ouais, c'est clair. Vous avez ce soir du côté de Lyon la soirée IAR et le label Charivari Records qui seront au terminal. Et puis, on soutient les amis du Super 5 qui feront jouer Full Pizza Jacket. Voilà, en All Night Long. Pour la semaine prochaine, vous avez donc le Festival des Nuits Sonores qui commence, donc à partir du 28 mai. Et puis, vous avez les Nuits Sonores Off également qui vous propose un super programme. Donc, pour les Nuits Sonores, vous avez déjà toutes vos places, c'est déjà sold out. Pour les Nuits Sonores, on a remarqué quelques projets qui sont intéressants à voir et donc à participer. C'est vrai que c'est vraiment destiné sur la participation. Donc on vous conseille d'aller du côté du Super 5, pardon, du Paradoxe, à la piscine du Rhône, au Jardin Perché. Et puis vous avez aussi les électro-pétanques hein, pour les amateurs de boules de pétanque, bien sûr. Au niveau, je vois Louis qui se marre derrière. T'as bien fait de préciser pétanque ouais, quand même, je pense. C'est ça. Et vous pourrez retrouver également des ateliers sur Ableton, des ateliers aussi sur la boucherie vegan, un tournoi international de catch de pouce. Okay. Le Paradoxe proposera également l'événement 6 à tenir qu'à moi, pardon. Vous avez aussi l'événement Love Boat avec le Live Station, et puis un peu plus sérieux, un peu plus déconnant, l'événement Conversation Publique. Pour les soirées que vous retrouvez à côté, dans les lieux qui font rythmer Lyon tout au long de l'année, vous avez Lil Louis qui viendra au Petit Salon, organisé par Encore. Vous avez Patchou les Femmes qui sera au Bec de Jazz, donc sur le 29. Vous avez la soirée Cozy Chip qui sera à l'Air's Boat avec toute la team de la Chinerie. Vous avez également donc du côté, donc c'est la team Positive Education, donc c'est le festival qui est sur Saint-Étienne, qui fera sa Spiral Dance. Donc c'est le thème, c'est Fragile Education, qui sera à la Halle du Faubourg. Vous avez côté, vous avez aussi du côté du Bellona le festival L'Amour qui fait son cirque, dont vous aurez voilà tous les acteurs avec également. Freddy, vous avez pu voir, et puis tous les acteurs du Bellona avec Collective Trumpstrasse, voilà, c'est eux que je cherchais, donc on vous le recommande. Et vous avez du côté du Bistoufly toute la semaine, où d'ailleurs vous retrouvez Destination, on vous en a parlé aussi, et vous aurez aussi une date donc de Convergence, et puis également Huma qu'on avait reçu, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, une petite date le 29 du côté de Montpellier, où c'est l'équipe du Family Picnic qu'on avait reçu dans l'émission, qui fera venir Kamel Fat à la Churrascaya, donc la Road to Family Picnic, en attendant le festival au mois d'août. Voilà, on va terminer. Donc vous avez tout la closing day, les Love Boat aussi, avec le WePlay Vinyl, qui sera le 30-31 1er juin. Et voilà, donc on va terminer avec tout ça. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute. Eh ben merci à vous. Merci Louis. Ciao, ciao. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.